chaque seconde, je pense au temps qui se consume comme une cigarette. Comme une cigarette. Le temps passe vite, beaucoup trop vite. Parfois j'aimerais juste qu'il s'arrête. Juste qu'il s'arrête. Je ne ressens plus l'impression de vivre. Les mailles du temps nous empêchent d'être libres. Je vais vous conter mon histoire. Je me mets à nu, ce texte est mon livre. Je me souviens de l'époque où on jouait en primaire. Difficile à croire que 20 ans plus tard, je m'en rappellerai comme si c'était hier. On a perdu notre innocence, on a perdu notre insouciance. Rien qui nous donnerait bonne conscience. La vie défile, mais qu'a-t-on fait de notable? Je dois trouver ma raison de vivre avant que du sablier ne s'écoule tout le sable. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. J'ai grandi, de l'eau a coulé sous les ponts, mon adolescence est noyée. J'ai pas vu les années qui filent, dorénavant je suis en âge de construire un foyer. J'ai pas trop ce que je veux faire dans la vie, mais je veux que ça me rapporte. Éviter que la pauvreté ne toque un jour à ma porte. Pour ça, je dois faire le nécessaire. La montre va-t-elle me laisser faire avant que je me récompense? Tout cela ne tient qu'à moi. Depuis quand j'ai placé ma foi en un futur meilleur pour moi, je crois. On a perdu notre innocence, on a perdu notre insouciance. Rien qui nous donnerait bonne conscience. La vie défile, mais qu'a-t-on fait de notable? Je dois trouver ma raison de vivre avant que du sablier ne s'écoule tout le sable. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Tic tic tac tac. Tic tic tac tac. Tic tic tac tac. Et que mes jours seront comptés, serais-je aigri ou satisfait d'une vie sans regret? Aurais-je fait ce que j'ai à faire, laisser une trace sur terre? Aurais-je gardé la foi ou aurais-je abandonné la prière? On a perdu notre innocence, on a perdu notre insouciance. Rien qui nous donnerait bonne conscience. La vie défile, mais qu'a-t-on fait de notable? Je dois trouver ma raison de vivre avant que du sablier ne s'écoule tout le sable. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas.